T'es prêt, toi, aujourd'hui, là, maintenant, à te mettre à poil pour sauver l'avenir du vélo en ville? Micro ouvert. Si t'es pas capable, toi, sache qu'il y en a qui l'ont fait. Nous autres usagers du 21e millénaire, rouler en voiture relève de l'évidence pour se rendre d'un point A à un autre point A. Pourtant, d'autres alternatives de véhicules s'offrent à votre choix. Par exemple, le vélo, également dénominé cyclopède ou encore petite reine de la chaussée. Bien que ce moyen de transport existe depuis le temps de nos amis les Gaulois, ce n'est qu'au Moyen Âge qu'il a pris son véritable essor. Mais comment faire fonctionner ce véhicule, me direz-vous? C'est très simple. Tout d'abord, prenez place sur le siège avant. Mais attention, première difficulté, vous devez être simultanément assis sur le siège et debout sur le sol. Un bref coup d'œil circoncis fait apparaître rapidement des différences avec votre véhicule traditionnel. Absence de clé de contact, volant sommaire, klaxon mécanique rudimentaire. Mais surtout, qu'est-ce que l'usager trouve sous son pied droit en guise d'accélérateur? Une sorte de petite pédale, si j'ose dire. Mais attention, une deuxième pédale à gauche doit être actionnée alternatoirement pour faire avancer la progression du véhicule. Démonstration. Voilà, voilà, voilà. Mais où se trouve la pédale de frein, me direz-vous? Petite astuce, il ne s'agit pas réellement d'une pédale, mais plutôt, comme qui dirait... Un autre type d'embouteillage à présent, beaucoup plus terre à terre celui-ci. Il ne s'agit pas de débris ni de voitures, mais de vélos. Le phénomène touche plusieurs grandes villes des Pays-Bas et commence à inquiéter les municipalités. Les pistes cyclables sont complètement bouchées. La petite reine est en fait victime de son succès. Sur place, le reportage avec François Baudonnet et Hervé Méloès. Chaque fois que le feu passe au vert, des dizaines de cyclistes s'élancent et tentent de se croiser sur ce carrefour très fréquenté du centre d'Amsterdam. Il est 7h du matin et malgré la pluie battante, malgré les embouteillages, les Néerlandais adorent leurs moyens de locomotion. J'ai déjà 3 vélos et je compte bien en acheter un quatrième. Si tous les vélos étaient remplacés par des voitures, ça serait bien pire. C'est le seul moyen que j'ai pour transporter mes enfants. Ce vélo, c'est ce que j'ai de mieux dans ma vie. Problème, dans une ville de 800 000 habitants, il y a dorénavant 1 million de vélos qui bien souvent envahissent les trottoirs et les ponts. Alors chaque matin, une brigade spéciale vient enlever ceux qui gênent. Chaque année, rien que dans le centre d'Amsterdam, nous enlevons plus de 40 000 vélos. Ils sont ensuite emmenés dans cette gigantesque fourrière située en banlieue où ils s'entassent par dizaines de milliers. Mais comme chaque habitant d'Amsterdam a bien souvent 2 vélos, un pour la semaine et les enfants, l'autre pour le week-end et le sport, dans la ville, la place manque. Et c'est donc sur les canaux qu'il faut construire de nouveaux emplacements. Dans un parking pourtant immense comme celui-ci, où il y a plusieurs milliers de places, eh bien dès 8h du matin, il n'y en a plus aucune de disponible. Ici, c'est même un ancien ferry qui a dû être réquisitionné. Un parking flottant sur 2 niveaux. Mais pour la puissante association des cyclistes d'Amsterdam, ce n'est pas suffisant. Combien manque-t-il de places? Il faudrait construire au moins 10 000 places de parking supplémentaires dans le centre-ville. Et le phénomène est national. À Eindhoven, les autorités ont construit un rond-point à 3 mètres du sol, réservé aux seuls cyclistes. Aux Pays-Bas, le vélo révolutionne le paysage urbain. Changement toujours, et si vous troquiez votre camion de déménagement contre un vélo? C'est ce que vous propose Damien, un Bruxellois à la fois courageux et écolo. Ce qui est galère, c'est qu'il faut faire attention aux trous pour pas que ça se coud trop, parce que quand il y a des petites aspérités sur le goudron, ça vibre un peu, donc il faut y aller doucement. Vilo, c'est le nom du système de vélo en libre-service mis en place à Bruxelles il y a 2 ans. Depuis, ça cartonne. Il faut dire que le vélo, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour visiter une grande ville européenne comme Bruxelles. Le vélo, c'est aussi idéal pour déménager. Et là, vous vous dites que je délire. Eh bien, pas du tout, vous allez voir. Voici l'histoire de Damien. Il vit à Bruxelles. Il a monté une société de déménagement à vélo. Ça s'appelle Dioxyde de Gambette. Chloé Vienne. Il n'est pas ce qu'on peut appeler une armoire à glace. Mais les armoires à glace, il les transporte pour les autres. C'est une personne qui a fait ses achats ici et qui ne pouvait pas les ramener chez elle. Donc, il m'a demandé, elle m'a donné son bon. Et on va les prendre. Dans cette brocante, on voit tous les jours des déménageurs. Mais notre barbu a un profil atypique. T'as mis le camionnet ? J'ai le vélo. Le vélo ? Ouais. Un vélo pour un déménageur. Et quel déménageur ? Damien ne craint pas la comparaison. Notre poids-plume charge sans complexe à côté d'un poids lourd. Attiré par cette scène insolite, un vendeur de la brocante s'approche. Il s'informe. Par exemple, tu dois aller porter ça chez moi à Saint-Gilles, tu demandes combien ? Ça fait 25 kilos, ouais. Donc ça fait 7,5, supplément de distance, ça fait 8 euros TTC. Le camion en question aurait pris au moins 25 euros pour la même course. Bien plus cher et bien moins écolo. Mais t'as vu qu'à la brocante, le bouche à oreille va fonctionner. Puisque vous me posiez la question si j'allais faire sa pub, ben, je vais commencer tout de suite. On va bien rire. Il y en a un qui va râler, c'est l'autre avec son camion. Allez, en piste. Livré à vélo à Bruxelles, c'est une partie de Gymkhana. Virage, pavé, rue en pente. Pour arriver à bon port sans accroc, il faut s'appeler Damien. Pour le moment, ça descend, donc ça va plutôt bien, quoi. Mais ce qui est galère, c'est qu'il faut faire attention aux trous pour pas que ça se coud trop, parce que quand il y a des petites aspérités sur le goudron, ça vibre un peu, donc il faut y aller doucement, quoi. Cette petite entreprise montée sur deux roues, cela fait un an qu'il en vit. Bonjour. Il lui a trouvé un nom mignon comme tout, Dioxyde de Gambette. Et qu'on ne s'y méprenne, cet Olibrius cyclopédus est avant tout un fervent militant. À chaque facture, il sensibilise le client. Je mets le nombre de grammes de CO2 qui n'ont pas été émis, puisqu'on a utilisé un vélo à la place d'une voiture. Et là, comme on a fait 6 km, en fait, la livraison a économisé 1 kg de CO2. Il n'y a pas de voiture et bah, c'était pas beaucoup de meubles. Et le vélo, c'était une bonne solution, bon pour l'environnement et voilà. Et c'est reparti. Bonjour, et ben, je viens chercher le petit meuble à décaper. Devant chaque client, il prêche la bonne parole verte. C'est pire ? Non, c'est bien. Hein. Pas pire. Un prêcheur infatigable, 50 km par jour, la foi chevillée au mollet. C'est un bon moyen de se rendre compte que finalement, utiliser sa voiture en ville, c'est un gaspillage de ressources énormes. Puisque l'aspect émission, c'est l'aspect gaspillage quoi, que j'aimerais un peu combattre. Combattre le gaspillage et jeter les gadgets aux orties, comme le GPS. On ne sera pas surpris de voir Damien militer aussi pour la bonne vieille carte, type IGN. Le GPS, c'est bien, mais ça ne prend pas en compte tous les critères, comme le poids du colis, si la montée elle a des pavés ou pas de pavés. Et puis quand même, c'est le plus sympa de faire son itinéraire soi-même, c'est la partie sympa du travail, donc si c'est la machine qui le fait, c'est dommage. Au terme de cette histoire farfelue, il y a des résultats chiffrés. Depuis un an, Damien a transporté 8 tonnes de marchandises. 1,5 tonne de CO2 n'a pas été émise. Pour sauver la planète, c'est une affaire qui roule donc, même si c'est un peu brinque-ballant. Choisir un plat à la carte d'une centaine de restos et se le faire livrer en quelques clics par un coursier à vélo. Le concept de Take It Easy ouvre l'appétit de 3 grandes sociétés d'investissement. Elles mettent 6 millions d'euros sur la table, un capital presque inespéré pour les jeunes bruxellois. Pendant quelques mois, on a été voir plusieurs fonds. Ça s'est très bien passé, on avait des chiffres vraiment excellents. Et au fur et à mesure, en fait, c'est les fonds, d'autres fonds de plus en plus importants qui sont venus nous contacter pour investir chez nous. Donc finalement, les fonds qui investissent aujourd'hui sont des fonds qui nous ont contactés plutôt que des fonds que nous, on est allés voir. Lancé depuis un an et demi, Take It Easy est déjà présente à Paris. Chaque semaine, des milliers de repas sont commandés est livré via le site et l'application. Le client commande sur le site, voit l'heure à laquelle il sera livré sa commande et puis il ne fait plus rien du tout. Il y a la commande qui est envoyée au coursier automatiquement, au restaurant automatiquement et puis qui arrive chez le client. La seule chose que le client peut faire, c'est suivre sa commande sur la carte jusque chez lui. Un client qui payera 3,50 euros de plus pour la livraison. Cette restauratrice travaille depuis quelques mois avec Take It Easy. Même si la start-up lui prélève 30% de commission sur chaque commande, elle est satisfaite de la collaboration. C'était pour nous impossible de gérer un service de livraison pour des individuels. Or, on avait une demande quand même assez importante. Donc, on fait de la livraison en entreprise, mais la livraison en individuel, c'était vraiment trop difficile à gérer. Les gens, quand ils commandent, ils aiment bien être livrés. Donc, Take It Easy, oui, c'est très facile, évidemment. Avec ses 6 millions de capital supplémentaire, l'entreprise part à la conquête de nouveaux marchés. Berlin, Londres et Madrid. Un business en expansion et un déménagement en vue. Take It Easy s'agrandit dans de nouveaux bureaux. Les cofondateurs comptent engager 30 nouveaux employés. Paris Vélo Postal, bonjour. Ouais. Nous, on considère vraiment que les courses à vélo, c'est le haut de gamme de la course. Quoi. Voilà. Et c'est le haut de gamme parce qu'on est respectueux de la planète, parce qu'on est respectueux des gens qui travaillent pour nous et qui travaillent pour nos clients. C'est une Inserm. Voilà. Celle-là ? Ouais, c'est celle-là. En tant qu'imprimeur, on a une démarche écologique. Et donc, on cherche à minimiser l'empreinte carbone. Donc sur le papier, donc nous, par exemple, on utilise beaucoup de papier français, on imprime en France et ensuite au bout de la ligne, il y a la livraison de la commande et donc on fait ça par vélo le plus possible à Paris pour les petits colis. Voilà, et les gens, ils aiment beaucoup avoir des coursiers vélo plutôt que des coursiers scooters qui conduisent n'importe comment et qui polluent, voilà. Les bébés dans les poussettes, ils vont respirer un petit peu moins d'oxyde de carbone grâce à nous. Vous voyez, c'est plutôt nous, c'est vraiment la proximité, le quotidien. C'est là que je pense qu'on apporte quelque chose. Si vous êtes à un feu rouge à côté d'un scooter et si vous êtes à côté d'un vélo, bah, c'est un peu plus agréable quoi, d'être à côté d'un vélo. Ça peut paraître un peu solitaire comme boulot, mais finalement, les clients qu'on voit régulièrement, où on passe tous les jours, au bout d'un moment, se fait payer des petits cafés. C'est sympa. Si pour peu que j'ai mis un maillot jaune pendant le Tour de France, il y avait des gens qui disaient allez, maillot jaune, machin. Non, ça c'est marrant. Ouais. Petit à petit, on a monté une logistique où on arrive à avoir des coursiers qui sont répartis sur tout Paris. Et en trois quarts d'heure, on est capable de venir enlever un pli et de le déposer à sa destination n'importe où dans Paris. Allez, rencontre avec Luc. Luc Goffinet, c'est comme ça qu'on dit, hein, ton nom de famille. Ici, on se trouve au Point Vélo à Namur. Et en fait, en venant rencontrer Point Vélo, je tombe sur toi. Toi, tu peux un petit peu te présenter, hein, ce que tu fais au Point Vélo, par exemple. Je sais brièvement deux choses. Tu es bénévole au CRAC. J'espère que je prononce bien. En fait, oui, je travaille au GRAC. Le GRAC est une association de bénévoles, donc ce sont des cyclistes qui se déplacent à vélo. Et donc, c'est des cyclistes qui essayent de faire bouger les choses, donc d'obtenir plus de sécurité routière, plus d'infrastructures pour le vélo. Donc nous, on se bat un petit peu pour des meilleures conditions de circulation à vélo. Et moi, je suis salarié au GRAC, en fait. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis payé pour organiser un petit peu le lobbying politique et certaines campagnes et d'autres choses. Et le Point Vélo, en fait, parce que c'est au même endroit, alors le CRAC et le Point Vélo. Mais le Point Vélo, c'est un centre de service, en fait. C'est géré par Pro Vélo. une association aussi qui s'occupe de vélos, mais qui presse des services. Donc si vous voulez réparer votre vélo, si vous voulez louer un vélo, si vous voulez des conseils, à ce moment-là, vous venez au point vélo et vous avez ce genre de service. Ça existe dans les grandes gares, en Wallonie, à Liège, à Bruxelles, à Otigny, à Mons. Donc c'est là qu'on peut trouver des services vélos. Par contre, pour la militance et un peu le lobbying, c'est plutôt le GRAC qui s'en occupe. Mais si je comprends bien, il n'y a pas un GRAC dans tous les points vélos, quoi. Là, c'est un peu du hasard d'espace, en fait. Voilà, où il se fait que le GRAC est au point vélo à Namur, mais ce n'est pas tous les points vélos. Tu comprends ma question ? Oui, en fait, le GRAC, en fait, ce sont des bénévoles. Donc, moi, c'est juste que notre bureau est installé en Wallonie, dans la gare de Namur. Mais c'est juste une coïncidence, parce qu'en fait, le GRAC, ce sont des bénévoles. Donc, à Liège, à Mons, à Charleroi, à Bruxelles, le GRAC, ce sont essentiellement des bénévoles qui se réunissent à différents endroits, une fois par mois, et puis qui mènent des actions, des rencontres politiques, des actions de terrain, qui font des balades un peu militantes. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'on fait au GRAC. Mais voilà, moi, j'aurais aimé développer un peu, puisque toi, t'as l'air de t'y connaître... Explique-moi en fait comment ça se fait que toi, t'es le seul gars qui est payé au GRAC, et d'abord GRAC. Franchement, essayons de tenir la route là-dedans. Rappelons qu'est-ce que ça veut dire le GRAC d'abord. Le GRAC, c'est le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. C'est très compliqué, donc c'est pas un nom qui est facile à comprendre et à retenir. Et donc au départ, c'était créé par des cyclistes dans les années 70 qui en avaient marre en fait de voir que les pistes cyclables étaient un petit peu démantelées partout et qu'on faisait la place. Ou qu'il n'y en avait pas du tout. Hein. Mais il y en avait à l'époque, dans les années 70, en fait, en Bruxelles, il y avait beaucoup de pistes cyclables, mais on les effaçait, on les supprimait pour faire plus de place à la voiture. Donc c'était un peu une révolte dans les années 70. Et c'est de là qu'est né le GRAC. Et pendant 20 ans, le GRAC, ce n'était que des bénévoles qui faisaient tout, le journal du GRAC, les actions politiques, tout était fait par des bénévoles. Et puis en 1995, le GRAC a décroché son premier subside qui lui a permis d'engager quelqu'un. Et donc depuis, on a un peu de subsides de la région wallonne, région bruxelloise, qui nous permettent de travailler avec des salariés. Parce qu'effectivement, maintenant le boulot s'est complexifié, il faut aller à un tas de réunions, on est consulté pour beaucoup de choses, donc du coup, on a un peu de besoin d'avoir du temps en journée, ce que les bénévoles n'ont pas souvent, de pouvoir faire un suivi de dossier quotidien, ce qui n'est pas facile quand on est bénévole. Donc maintenant, on est six salariés à travailler au GRAC. Six salariés en Wallonie ou bien en Belgique ? Non, 6 salariés donc pour Bruxelles et la Wallonie, puisque le GRAC est une association francophone. Donc du côté néerlandophone, vous allez trouver le Fietsersbond, qui est l'association des cyclistes néerlandophones. Et là, ils sont 8. Bah, t'as l'air de vachement t'y connaître quand même, hein, Luc. Moi, j'aurais aimé en fait que tu me parles vraiment de oui, donc le vélo comme outil politique en fait. C'est très actif en même temps le vélo. Hein. C'est du concret. On est sur sa bécane par tous les temps parce que c'est ça aussi que vous défendez et vous comment dire ça. Vous vous démarquez vraiment fort de ces cyclos du dimanche avec leurs habits fluo. Enfin, là, je fais une petite pointe d'humour, mais vous vous démarquez par rapport à ça. Explique-moi pourquoi, en fait. Oui, tout à fait. Donc, les cyclistes du dimanche, c'est très bien. Bon, les gens font des balades à vélo, ils mettent leur vélo sur leur voiture, ils vont se promener. Certains font des 150 km à vélo le dimanche. Donc, nous, on n'est pas du tout contre le vélo sportif et c'est très bien qu'il y ait des gens qui en font. Nous, on se bat simplement pour qu'on puisse aussi se déplacer à vélo, qu'on puisse aller à l'école à vélo, qu'on puisse aller au travail à vélo, qu'on puisse aller au cinéma à vélo. Donc, on puisse vraiment utiliser le vélo comme mode de déplacement, ce qu'il a été jusque dans les années 70. Le vélo était un mode de déplacement qui était assez courant. Moi, quand j'étais jeune, je me déplaçais à vélo dans ma petite ville d'Arlon, donc j'allais voir mes amis à vélo et c'était normal et on me laissait sortir à vélo, donc c'était, même s'il n'y avait pas de piste cyclable, on pouvait encore circuler à vélo. Et donc c'était une époque qu'on aimerait voir revenir, parce que maintenant un jeune n'est même plus autorisé en fait à circuler à vélo. Ses parents de toute façon ne le laissent plus sortir à vélo. Donc voilà, on essaye un petit peu de retrouver le vélo comme mode de déplacement naturel pour des petites distances, parce que c'est absurde de voir le nombre de voitures qu'on utilise pour faire quelques kilomètres. Et donc on a des engorgements, on a des villes qui sont saturées de voitures, on a du bruit, on a de la pollution, on a de l'insécurité routière. Et donc nous, on essaie de retrouver un peu la logique, le sens du déplacement avec son corps, quoi, comme le piéton. Mais c'est sûr, mais on n'est plus non plus dans la même conjoncture économique que dans les années 70, quoi, non ? C'est-à-dire que moi, ce que j'en sais un peu, c'est que les gens, des fois, ils doivent se faire des kilomètres pour avoir un boulot, puisque on est dans une société où il y a du chômage, les gens veulent un boulot, et donc il n'y a pas du boulot à porter demain, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, ils doivent prendre leur voiture pour faire des kilomètres aussi. Enfin, voilà, il y a aussi cet aspect-là à prendre en compte, quoi. C'est pas uniquement... Tu comprends ? Oui, tout à fait, mais il n'y a pas de corrélation. Enfin, si, effectivement, le travail ne s'est pas rapproché de son domicile, ça c'est clair. Maintenant, les distances sont plus longues. Néanmoins, il reste une partie des salariés qui travaillent à moins de 5 km de chez eux. Et donc, même dans ces salariés-là, ils n'utilisent quasiment pas le vélo. Donc, ce n'est pas une question de distance. C'est plutôt une question qu'on n'a plus du tout pensé au déplacement à vélo. On n'a plus aménagé les routes pour que ce soit possible. On n'a plus du tout... créer les conditions pour que ce soit agréable, que ce soit pratique, que ce soit sécurisé. Donc c'est surtout davantage pour ça, parce qu'en fait maintenant avec des vélos électriques par exemple, bah, on peut même plus dire que c'est fatigant d'aller à vélo travailler à 7 km de chez soi, c'est vraiment plus un souci. Le climat, bah, en fait quand on voit le climat en Belgique, on a le même climat qu'aux Pays-Bas et au Danemark où on fait massivement du vélo. Donc on peut pas dire qu'on a un climat rude. En Belgique on n'a pas un climat rude. Il pleut 7 à 8% du temps. Ce que les gens ignorent, c'est qu'on a, enfin, on a parfois l'impression qu'il pleut beaucoup en Belgique. Mais non, il ne pleut pas. Si vous regardez, effectivement, peut-être que le ciel est gris, peut-être que le sol est mouillé, mais il pleut pas tellement en fait en Belgique. Donc on a plutôt des obstacles dans le fait que le vélo est sorti de la tête des gens comme mode de déplacement et il est sorti de la tête des décideurs politiques comme mode de déplacement dont il faut tenir compte. Oui, parce que là, il n'en a pas tenu compte et là, c'est comme si il y a une conscientisation maintenant un peu de cet outil mobile, quoi, qui est le vélo. C'est comme si ça se remettait un petit peu au goût du jour, le vélo. C'est très dans l'air du temps, hein. Je pense au vélo, le bonhomme ou la madame qui a inventé ça, c'est un bon plan pour cette personne, hein, d'avoir inventé le vélo. Oui, tout à fait, le vélo revient au goût du jour, donc quelque part, maintenant, il est plus légitime de faire quelque chose pour le vélo. Mais il faut savoir que, en fait, si on roule autant un vélo à Copenhague ou à Amsterdam, c'est parce que dès les années 70, on a recommencé à investir dans le vélo. Ça prend 30-40 ans pour changer massivement un mode de déplacement. Parce que ici, on le fait. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien. À Namur, à Liège, à Otigny, il y a des choses qui se font. Mais... c'est très lent, enfin, dire ça prend du temps de refaire des infrastructures cyclables, ça prend du temps de redonner l'habitude aux gens, de les reformer à la conduite à vélo, de redonner l'impulsion pour que les gens refassent du vélo. Ça, c'est tout un travail culturel à refaire maintenant. Parce que pour une partie de la population ici, en fait, le vélo n'est plus du tout un mode de transport. C'est encore associé à le mode de transport de celui qui ne sait pas se payer une voiture, c'est le mode de transport de l'écolo, c'est le mode de transport du sportif. Donc toutes ces images-là collent à la peau du vélo, malheureusement. Or, le vélo, non, le vélo a été un mode de transport de masse, même en Wallonie. Donc, mes grands-parents habitaient des villages en Wallonie, en Ardennes, et il y avait des vélos dans presque toutes les maisons, et ils étaient utilisés par tout le monde, malgré le temps, le relief, les distances. Donc, c'était pas du tout que le vélo n'est pas adapté à la Wallonie, parce que malgré tout, en Wallonie, il y a quand même des zones qui sont plates, il y a des petits déplacements. Donc, c'est vrai qu'on travaille parfois loin de chez soi, mais le vélo, on peut l'utiliser pour aller à la boulangerie, on peut l'utiliser pour aller à l'école qui est tout près, on peut l'utiliser pour d'autres choses. Donc il y a quand même un potentiel pour le vélo, même quand on n'habite pas dans un centre urbain, même aller dans le village d'à côté à vélo, ça n'est pas non plus infaisable. Hein. Donc c'est juste que maintenant, c'est complètement sorti de la tête des gens. Et puis c'est vrai que maintenant aussi, comme il n'y a plus de vélo sur les routes, bah, les automobilistes qui roulent maintenant entre deux villages n'ont pas le réflexe de lever le pied parce qu'il pourrait y avoir un vélo sur la route où il n'y a plus de piétons non plus d'ailleurs dans les campagnes. Donc ça crée des habitudes comme ça, que les routes sont vides, dégagées et donc propices à aller vite en voiture là où on veut aller. Et quoi, le mouvement, l'idée du crack, c'est vraiment de remettre ce vélo au goût du jour avec des pistes cyclables, faire en sorte que le cyclo soit à l'aise quand il roule, quoi, j'imagine. Oui, tout à fait. Le but du GRAC, c'est vraiment d'abord de remettre le vélo dans la tête de tout le monde comme un mode de déplacement et ensuite surtout de créer les conditions pour que les gens puissent s'y remettre. Les conditions, c'est des infrastructures, de la sécurité routière, de l'éducation, parce que bien rouler à vélo, ça s'apprend. Bon, c'est pas juste passer les vitesses, rouler à vélo, c'est se positionner sur la route correctement, savoir tourner à gauche, prendre un rond-point. Donc c'est toutes des choses comme ça qui s'apprennent. Donc les enfants l'apprennent, il y a un brevet du cycliste en 5e primaire en Wallonie, donc ça c'est très bien, c'est mes collègues de ProVélo qui le font. Donc ça s'apprend en fait, et on l'apprend aussi à des adultes, parce qu'il y a des réflexes qu'on n'a pas nécessairement quand on est automobiliste et quand on descend de sa voiture et quand on prend un vélo. Donc il y a tout un tas de choses qui s'apprend, et puis c'est de la culture aussi, ça se travaille, parce que l'image du vélo, elle n'est pas toujours positive. Quand on va à Charleroi, à la Louvière, le vélo, c'est pas du tout un mode de déplacement qui est tendance. On s'allait à Bruxelles, maintenant, les gens prennent des vélos partagés, donc c'est quelque part un mode de transport cool. C'est pas encore le cas partout en Wallonie, malheureusement. Quoi, j'ai entendu, tu disais, à l'école, en 5e primaire, C'est quoi que tu disais? On apprend aux enfants à savoir rouler à vélo? En fait, oui. Donc, dans à peu près 20% des classes en 5e primaire en Wallonie, il y a ce qu'on appelle le brevet du cycliste, et c'est ProVélo qui va dans les écoles. Et pendant 3 jours, les enfants sont formés à rouler à vélo. Et ça se termine par un examen sur la voirie, où l'enfant doit faire un parcours tout seul. Et à chaque carrefour, il y a un observateur qui note comment l'enfant traverse le carrefour, prend le rond-point. Et à la fin de l'épreuve, l'enfant reçoit un brevet s'il a réussi l'épreuve. Et quasiment presque tous les enfants réussissent l'épreuve, parce que ce n'est pas une compétence super dure à acquérir. Hein. Il y en a juste quelques-uns qui échouent, mais c'est vraiment parce qu'ils sont distraits, ils sont pas attentifs sur la route et qu'effectivement, ils doivent encore faire des efforts. Mais c'est une compétence que tout le monde peut acquérir, comme la natation ou le ski, c'est pas plus compliqué. Génial idée, ça. Qui a eu cette idée, et j'ai entendu Wallonie, tu précises bien que c'est Wallonie et pas Bruxelles? Oui, parce que le brevet du cycliste est financé par la région Wallonne, en fait. Donc c'est la région qui paye. Donc en fait, à Bruxelles, il y a aussi, mais beaucoup moins, de classes qui sont formées au niveau du brevet. Donc c'est une politique régionale. Et alors, qui a eu l'idée? Mais en fait, c'est une idée qui existe depuis longtemps dans le monde du vélo. Donc, les associations vélo ont l'habitude de faire de l'éducation en vélo. Et un jour, ils ont été soumettre l'idée à des responsables politiques wallons qui ont embrayé, qui ont financé le brevet cycliste dans les écoles. Donc, c'est une idée qui est très populaire parce qu'aucun politicien ne trouve que c'est une mauvaise idée. C'est bien plus facile de former des enfants dans les écoles que de devoir enlever une bande de parking pour pouvoir faire des pistes cyclables. Où là, il y aura des intolérances, il y aura des résistances, il y aura des pétitions, il y aura des gens qui seront furieux. Donc voilà. Mais il faut redessiner carrément l'espace public, hein, si on laisse la place au vélo, parce que je trouve que quand on roule à vélo, des fois c'est un peu dangereux comment les choses sont dessinées dans l'espace public. Vous avez une piste cyclable à côté de voitures garées, enfin c'est n'importe quoi. Et puis il y a des pistes cyclables, enfin tu pourrais en parler mieux que moi, des pistes cyclables qui commencent, puis qui s'arrêtent comme ça, pouf, paf. Oui, tout à fait. En fait, ça demande vraiment de repenser l'espace public et de le redessiner, parce qu'il faut de la place à certains endroits, pas partout, parce que quand on est dans un quartier, s'il y a peu de trafic et qu'on met une zone 30, c'est bon, il n'y a pas besoin de faire des pistes cyclables. Donc dans 80% des rues en ville, il n'y a rien à faire, à part modérer le trafic et la vitesse. Par contre, sur les grands axes, là, il faut clairement, là où il y a du trafic, là où ça roule à 50 à l'heure, il faut séparer. C'est d'ailleurs le modèle hollandais, donc c'est pas, on n'invente rien. Il n'y a pas grand-chose à inventer dans le monde du vélo, en fait. On sait en gros ce qu'il faut faire. Et là où ça coince, c'est que l'espace en ville est limité et que souvent, si on veut créer un espace séparé pour les vélos sur des grands axes, bah, automatiquement, ça veut dire qu'il faut réduire la place. Alors, on ne va pas réduire celle des piétons, ce serait pas sympa de réduire la place des piétons quand même. C'est un mode de transport quand même super écologique, sympathique, démocratique. Donc voilà, c'est pas ça qu'on cherche et c'est pas ça qu'on demande non plus. Donc quelque part, bah, est-ce qu'on va prendre l'espace sur les transports en commun? Bah, non, en général, on va partager une bande bus. Ça, c'est une solution qui est tout à fait acceptable. C'est pas la meilleure, hein, mais c'est une solution qui est acceptable. Et souvent, ben, en fait, il faut reprendre la place à ce qui en occupe le plus, c'est-à-dire à la voiture, donc qui est garée, qui circule sur 2, 3, 4 bandes. Et c'est là que le décideur politique a le plus de mal à prendre une décision. C'est parce que c'est souvent impopulaire. Donc si on réduit la place des voitures, de la place de la voiture en ville, on va avoir les commerçants à dos, on va avoir une partie des habitants, on va avoir tous les gens qui rentrent en voiture, les nafteurs. Oui, mais ça c'est dans un premier temps, mais peut-être dans un second temps, ils trouveront qu'en fait c'est une bonne idée. Tu vois, le changement, c'est toujours un peu... On est toujours un peu frileux au changement. Après, c'est peut-être une très bonne idée en fait que les... Hein. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, dans un premier temps, souvent les réactions sont négatives, et puis après quelques années, c'est rentré dans les mœurs, et puis voilà, ça passe. Donc, mais il faut juste un peu de courage politique, ne pas être à 2 mois des élections, par exemple, ou ne pas avoir tout le temps en tête, parce qu'il y a moyen, et la plupart des choix, on peut les justifier, parce que s'il y a de la demande, mais évidemment, si après quelques années, on voit toujours personne sur la piste cyclable, le politicien qui ose faire ça, c'est un suicide politique, on peut pas cacher qu'il y a des difficultés. Mais dans la plupart du temps, comme ici à Namur, par exemple, maintenant, on a, quand on compte les cyclistes le matin qui rentrent dans Namur, on en a 1000 qui rentrent entre 7h et 9h du matin. Donc, de cyclo, là, tu parles? Non, de cyclistes. Oui, de cyclo. On peut pas dire de cyclo? De gens qui se déplacent à vélo. Et un cyclo, c'est pas un... Un cyclo, c'est un sportif. Donc, on n'utilise pas le mot cyclo, nous, dans le vocabulaire. Non, c'est un cycliste ou une personne qui se déplace à vélo. Ça, c'est le mot qu'on utilise. Et donc, du coup, en fait, quand on a... Enfin, finalement, on se rend compte qu'il y a du monde. Donc, ça permet de justifier, effectivement, les investissements qui ont été faits. En plus, c'est jamais très cher, hein, par rapport au coût d'une infrastructure voiture ou du RER en train. C'est des cacahuètes, hein, par rapport à ça. On est à quelques pourcents, une fraction du budget. Donc, ce n'est pas des gros budgets, malgré le... Parfois, on entend qu'on a dépensé 1 million d'euros pour faire des infrastructures cyclables, mais ça reste marginal par rapport à... Quand on... Les techs en Wallonie, c'est 400 millions d'euros d'argent public chaque année. Parce que il faut sans arrêt alimenter la pompe, il faut payer les chauffeurs, il faut subsidier massivement le système. Les infrastructures cyclables, ça coûte au début, mais beaucoup moins cher. En fait, on évalue le budget qu'il faudrait pour rendre cyclable la Wallonie, c'est 10% du budget des techs. C'est pas énorme, quoi. C'est pas une grosse dépense. Et c'est tout à fait à la portée de ce que la Wallonie pourrait dépenser. Il faut juste un petit peu de courage politique pour faire avancer le dossier. Et pourquoi tu dis courage politique ? Parce qu'au départ, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas de vélo et que donc c'est de l'argent gaspillé, c'est de l'argent public gaspillé. On entend souvent ces réactions-là sur les forums de discussion et tout, dans les questions que les gens posent aux politiciens. Pour eux, tout investissement dans le vélo en Wallonie est un gaspillage d'argent public. Quand tu dis pour eux, pour les gens ou bien pour les politiques ? Pour 90% de la population, se dire c'est un gaspillage d'argent public. Et donc le politique est sensible à ça, lui. Il est élu par ces 90% de gens qui sont fâchés. Donc, quelque part, à moins d'avoir des politiques visionnaires, un peu, qui savent aller à contre-courant de la population et finalement faire avancer les solutions, ben, on n'a pas beaucoup de courage politique à ce niveau-là. Et tiens, puisqu'on est en Belgique, il y a Charleroi, il y a Liège, il y a Namur, il y a Bruxelles. C'est où qu'il fait meilleur vivre à vélo en Belgique ? Mais disons que là, on fait le plus de vélo, c'est sans doute dans le Brabant wallon. C'est sans doute plus sociologique que géographique. Parce qu'il y a des zones de Wallonie qui sont plates aussi, le Hainaut, dans certaines régions. Par exemple, la Comminoire-Neuton, qui est collée à la Flandre, on a quand même pas mal de déplacements à vélo. Quand on va à Moucron, à Tournai, on rencontre du monde à vélo. Donc, c'est des régions qui sont plus plates et qui sont plus collées à la Flandre. Et puis, le Brabant wallon, qui est une région plus favorisée, où on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont un peu, on dirait, bobos, et qui, donc, pour qui le vélo, ça devient un mode de transport qui est valorisant, qui permet de faire du sport tous les jours, qui est écologique, qui est bon à la santé. Donc, c'est quelque chose qui a des vertus et qui sont reconnues par un certain public, pas par tout le monde. Et quoi, la partie néerlandophone, comment dire, parce qu'elle fait partie de la Belgique, même si le crack. Oui, c'est le crack. Mais donc, nous, on ne s'occupe pas de la partie néerlandophone, puisque c'est le Fietsersbond, ce sont nos collègues néerlandophones qui s'en occupent, donc c'est eux qui gèrent le... Oui, mais c'est quand même une grosse partie aussi de gens qui font du vélo dans les parties néerlandophones, le pays... Enfin, c'est plat, quoi. Oui, c'est plat. Du côté de la mer et compagnie. Oui, on peut dire que c'est plat, mais en fait, quand on a eu la chance, nous, de faire des visites guidées d'aménagement cyclable à Leuven et à Gand, ce ne sont pas des villes plates. Enfin, c'est une illusion qu'on a. Le centre de Namur est aussi plat et pas plus vallonné que le centre de Leuven, contrairement aux impressions qu'on peut en avoir de l'extérieur. Il y a des endroits, c'est vrai qu'à un moment donné, ça va monter, mais le centre de Liège est relativement plat. Hein. On peut se balader longtemps à Liège avant de tomber sur les premiers contreforts. Donc, il y a moyen de faire plein de déplacements. Donc, on ne peut pas dire nécessairement que c'est aussi clivé que ça. Mais maintenant, en plus, avec des vélos électriques qui permettent de s'affranchir du relief, on n'a plus vraiment de problème avec le relief. Ça reste beaucoup plus une question de mentalité, de culture à travailler, de culture de déplacement à vélo. Oui, après, il y a sûrement cette idée-là, comme tu dis. Mais je veux dire, il n'y a rien à faire. Quand c'est plat, c'est plat. C'est facile de prendre son vélo. Vous suez pas. Enfin, il y a tout ce que les gens se disent, hein, dans la tête. Et c'est vrai que quand tu dois te taper une montée ou du plat, bon, ben, il n'y a pas photo. C'est quand même une différence, quoi. Mais les gens ignorent qu'en fait, les zones plates, par exemple, le Pays-Bas, sont extrêmement venteuses. Et quand tu pédale avec un vent à 50 km/h de face, c'est équivalent à une côte. Donc, les gens ont une image très idyllique du vélo aux Pays-Bas, comme quoi tout est plat, tout est facile. Il faut se dire que quand tu fais un déplacement aux Pays-Bas, t'as souvent le vent dans le dos en partant, et tu l'as de face en arrivant. Et qu'il y a un effort physique à faire, malgré tout. Et donc, d'ailleurs, il y a 1 million de vélos électriques en circulation aux Pays-Bas. Donc, il y a des raisons aussi à utiliser des vélos électriques là-bas. Donc c'est tout souvent une image un peu romancée, parce que le temps est le même aux Pays-Bas. Il y a des jours où il pleut, il y a des jours où il fait pas beau, il y a des jours où il y a du brouillard, il y a des jours où il fait froid, il y a des jours où ça glisse. Donc il y a plein de raisons aussi de ne pas prendre son vélo. C'est-à-dire qu'un habitant aux Pays-Bas qui a sa voiture en face de chez lui, s'il pouvait prendre sa voiture pour aller partout, il le ferait. C'est juste que ça n'a pas été rendu. La solution voiture n'est pas la plus facile dans certains cas. Et qu'on a plutôt favoriser le vélo pour les petits déplacements et qu'on a réservé la voiture aux déplacements interurbains ou aux longues distances ou aux personnes qui en ont vraiment besoin. Enfin, moi, dans cette histoire de côte, moi je me souviens avec des collègues quand on voyageait pas mal à vélo puisqu'on allait bosser à vélo, on était tout le temps à vélo, on avait laissé tomber la voiture, eh bien avant d'arriver chez moi, il y a une énorme côte, ma collègue aussi, et du coup, on se pose quand même des questions. Enfin, tu vois, quand c'est plat, ça pose pas de questions, même si on a le vent, la pluie, on a les habits adéquats. Il y a quand même, je trouve, enfin voilà, il faut pas minimiser ça, quoi, un terrain plat, ou plus ou moins un plat, ou alors vraiment, tu sais, un paysage vallonné où ça monte très fort, puis ça descend. Enfin voilà, c'est pas la même. C'est pas la même conduite, quoi. Enfin, voilà. Non, mais si on prend pour revenir au quai de Namur, on a sur la zone ici de Namur, on a 40 000 habitants qui vivent sur la plaine de la Sambre et de la Meuse. Et donc, il y a 40 000 personnes qui peuvent se déplacer à vélo. Ils n'ont pas de côte pour rentrer chez eux, et ils ne le font pas. Ben oui, mais moi, je faisais pas une bagarre entre les gens qui prennent pas leur vélo et de justifier ça en disant, mais c'est normal, il y a des montées, c'est vallonné, c'est difficile. Je ne parlais pas de ça, en fait, hein, Luc. Tu vois, je disais juste simplement comme ça, d'un point de vue théorique, même pas simplement théorique, mais pratique aussi, quand vous roulez sur du plat, c'est quand même chouette, quoi, avec des petites montées, des petites descentes, mais pas, je sais que dans le Brabant, non plutôt en Wallonie, ben c'est des fois ça, c'est des grandes montées, quoi, c'est balèze, quoi. Il faut déjà un petit entraînement physique, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça n'empêche pas de prendre son vélo, hein. C'était pas, je n'opposais pas les deux. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, un des pays en Europe où on roule beaucoup à vélo aussi, c'est la Suisse. Donc, contrairement à l'image qu'on a, il n'y a pas qu'aux Pays-Bas qu'on fait du vélo. Parce qu'en Suisse, effectivement, même dans des cas où il y a un peu de relief, on a quand même gardé une habitude de déplacement à vélo. Et puis, on l'utilise partout où c'est plat. Parce qu'il y a aussi des vallées en Suisse, il y a aussi des espaces plats. Et chaque fois que c'est plat, on l'utilise, quoi. Ce qui n'est pas le cas en Wallonie, parce qu'il y a des villes qui sont plates. J'ai été faire le tour de Hatte à vélo, il n'y a pas de relief. Pourtant, à Hatte, on ne croise pas beaucoup de cyclistes, hein, donc, dans le quotidien. Enfin voilà, donc ces questions de relief, elles sont. C'est vrai que le potentiel global est moindre à cause du relief, mais avec un vélo électrique, de toute façon, ce n'est plus un enjeu. Et le vélo électrique peut se développer en Wallonie tout à fait. S'il était aidé par des incitants publics. Parce que pour l'instant, il y a quelques communes qui donnent une prime. Donc la commune de Huy, la commune de Namur, la commune de Lannes en Brabant-Wallon, il y a quelques communes comme ça qui donnent une prime. La province du Brabant-Wallon donne une prime, mais pas la région. Donc, une prime pour quoi, en fait? Pour acquérir un vélo électrique. Donc on sait qu'un vélo électrique, un bon vélo électrique, c'est 2000 euros. On peut en acheter un bon marché à 990 euros. Mais si on commence à l'utiliser tous les jours, on va vite avoir des soucis. Et donc, du coup, pour un bon vélo électrique au quotidien, c'est quand même 2000 euros. Donc c'est quand même un certain budget. La prime est un incitant psychologique à passer au vélo électrique. Je veux dire, un peu une promotion. On sait que les gens réagissent à ça. Donc c'est du marketing, hein, c'est la psychologie commerciale, mais ça marche. Et alors, malheureusement, la région wallonne n'octroie pas de prime au vélo électrique. Donc on a eu longtemps des primes pour les voitures électriques, et des primes colossales pour les voitures électriques, mais rien pour le vélo électrique. Donc on l'a déjà demandé plusieurs fois, mais on donne des primes à l'isolation, on donne des primes pour les économies d'énergie. Mais curieusement, le vélo électrique n'est pas reconnu comme un investissement économiseur d'énergie. Pourtant, donc les études qui ont été menées en Suisse montrent que le vélo électrique est une vraie alternative à la voiture, beaucoup plus que le vélo normal. Parce que bon, les gens qui ont un vélo normal et qui sont susceptibles de l'utiliser le font déjà souvent quand ils peuvent. Par contre, le vélo électrique, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus loin, de porter des charges, et ça permet vraiment de faire des déplacements utilitaires qui seraient trop lourds à faire avec un vélo tout seul. Là, la navette quotidienne à vélo vers son lieu de travail, ça, au lieu de devoir prendre une douche en arrivant, ben on peut s'en passer. Donc c'est quand même vraiment, le vélo électrique est vraiment un outil utilitaire. Et donc là, malheureusement, la Wallonie a une carte à jouer qui n'est pas dans son jeu actuel. Une carte à jouer qui n'est pas dans son jeu habituel. C'est cette carte que tu viens de parler. Oui, tout à fait. Mais donc voilà, maintenant, on l'a demandé à plusieurs parties. On n'a toujours pas vraiment de suivi sur cette question-là. On espère qu'un jour, la Wallonie se décide à subsidier ce mode de transport. Parce que les autres le sont. Quand on prend un ticket de bus, on paye 1 euro et la région rajoute 3 euros pour couvrir le déficit. C'est-à-dire les investissements qu'on fait en matière, même en matière de voiture. Donc un kilomètre qui est roulé en voiture, les taxes qui sont perçues ne couvrent pas le coût réel pour la collectivité du kilomètre qui est roulé en voiture. Donc, alors que le vélo, lui, n'est pas subsidié directement. Bon, il y a quelques infrastructures qui se font, mais il n'a pas de subside direct. Or, lui, il fait économiser des choses. Il fait économiser des coûts de santé. Parce que bon, on a énormément de maladies de société, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, l'hypertension, le diabète. Toutes ces maladies-là diminuent avec la pratique physique. Donc on sait qu'en mettre une personne sur un vélo au quotidien, c'est quasiment diminuer de 500 euros par an en moyenne le budget de la sécurité sociale. Donc c'est hyper rentable de mettre les gens sur un vélo, malgré les accidents. C'est rentable pour un budget public. Maintenant, c'est rentable aussi pour celui qui en fait, c'est clair. Lui, il fait des économies par rapport à d'autres modes de transport. Mais c'est hyper rentable pour les pouvoirs publics. Rien qu'en soins de santé, le coût d'un déplacement à vélo est récupéré 5 à 10 fois par le budget de l'État. Malheureusement, ce raisonnement ne percole pas chez tous les décideurs politiques. Certains l'ont compris, mais pas tous. Et malheureusement, ils sont un peu rares, ceux qui ont vraiment bien intégré ce raisonnement. Et souvent, ce n'est pas leur budget. Donc le ministre des Transports en Wallonie, lui, la sécurité sociale, c'est fédéral, ce n'est pas son budget. Donc pourquoi est-ce qu'il ferait faire des économies à la sécurité sociale avec son budget? Et au contraire, lui, il va se dire, mais mon budget, c'est pour les routes, mon budget, c'est pour l'économie wallonne, je vais faire des routes qui vont doper l'emploi, les fameuses routes dans l'emploi. Il ne se dit pas un seul instant, je vais faire des pistes cyclables parce que ça va doper mon budget à la baisse de la sécu. Malheureusement, ce raisonnement-là, qui est un raisonnement économique, qui est justifié, enfin, des économistes ont validé ce raisonnement. C'est pas un raisonnement tenu par des intégristes à vélo. C'est pas des ayatollahs sur leur petit vélo qui font ce genre d'études économiques. C'est fait par des bureaux d'études et c'est validé par des gens qui font de la recherche et qui sont des économistes. Donc voilà, on fait des économies aussi en pollution au niveau du CO2, ça c'est clair, au niveau du vélo. Ça c'est, il faut pas être spécialiste pour le comprendre. Il faut pas être spécialiste. On fait des économies en pollution par le bruit parce que le bruit c'est un tueur insidieux parce que en ville il y a des endroits où le niveau de bruit est au-delà des limites de ce qui est bon à la santé. Ça atteint la qualité de vie des gens, surtout pendant la nuit. Et donc la diminution du bruit est un facteur de santé aussi, mais c'est un facteur très très très peu connu. Donc le vélo, et puis donc il y a l'exercice physique, il y a la réduction de la pollution, il y a la réduction du bruit. Alors il y a aussi d'autres impacts qu'on a, c'est sur le stress. Donc sur la santé mentale, le fait de faire un exercice physique en plein air, c'est très bénéfique. Et le stress, c'est aussi le trafic qui induit du stress chez les autres, pas seulement sur celui qui est coincé dans les embouteillages, mais celui qui voit qui est frôlé par une voiture à 50 à l'heure, même sur un trottoir, il y a toujours quelque chose, il y a un impact. On peut mesurer cet impact. Donc il y a toujours quelque part une source de stress. Alors que quand on se balade dans une ville comme Copenhague ou Amsterdam, en fait, ce sont des villes apaisées. Et on sent vraiment l'indifférence. Mais toute cette qualité de vie, elle n'est pas quantifiable. On vit bien mieux à Copenhague qu'à Bruxelles, hein, clairement. Quoi, tu as déjà vécu à Copenhague ? On a été en conférence vélo à Copenhague et quand on s'y balade, c'est une ville où la qualité de vie est bien meilleure que dans certaines villes embouteillées, congestionnées, bruyantes. Mais ce n'est pas quelque chose qui est, enfin, qui est quantifié, qui est vendeur pour un politique. Parce que c'est quelque chose que les gens n'imaginent pas à long terme, donc on ne va pas se faire élire sur des choses parce que les gens ne se rendent pas compte. Une fois que la qualité de vie augmente, une fois qu'on a fait un piétonnier, une fois que la ville est apaisée, les gens le ressentent, mais ils ne pensent pas que ça pourrait être comme ça. Donc voilà. Et donc on espère toujours effectivement que les villes soient calmées, pacifiées, apaisées, qu'on y roule beaucoup plus à vélo, qu'on s'y déplace plus à pied en transport en commun, qu'elles soient plus conviviales, qu'on vienne y revivre, parce que voilà, les villes sont quand même des chouettes lieux de vie aussi. Et ça, tant que ce sont des autoroutes urbaines, c'est pas personne va venir en ville, c'est l'exode vers la campagne qui continue, donc la villa quatre façades au milieu des champs, qui ramène des voitures supplémentaires parce qu'on sait rien faire sans voiture, qui détruit les campagnes wallonnes, c'est l'émiettement du territoire, les campagnes qui disparaissent, les espaces verts qui sont cannibalisés, enfin c'est tout des choses comme ça. Alors qu'en fait, les villes sont des endroits qui peuvent être agréables quand on... pour autant qu'on travaille sur ces questions de mobilité. Oui, parce que sinon, c'est beaucoup de bruit. Hein. Comme ça, sans réfléchir, la ville, c'est du bruit avec ses voitures, puis ces embouteillages de dingue, c'est quand même incroyable. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est du bruit, c'est de la qualité de vie en moins qui fait partir les gens vers les campagnes. Donc, c'est aussi... Mais aux Pays-Bas, en fait, ils ont cette contrainte-là, c'est qu'ils ne savent pas s'étaler. Ils ont cette contrainte, en fait, on y fait beaucoup de vélo, et il y a une politique d'aménagement du territoire pour que on se déplace plus à pied, à vélo, en transport en commun, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de s'étaler. C'est le pays le plus densément peuplé. Les terres sont rares, donc l'environnement urbain est beaucoup plus dense. Et en même temps, plus dense, ça veut dire que si tout le monde se déplace en voiture, on n'avance plus. Donc il y a cette contrainte et cette réflexion aux Pays-Bas sur non, il faut qu'on se déplace autrement. Donc vraiment, eux mettent le turbo sur ces déplacements autrement. En Wallonie, malheureusement, on peut encore s'étaler. Donc, bon, s'il y a des embouteillages, bon, on va aller plus loin, on va construire au bord de l'autoroute, on va mettre tout en périphérie, on a encore de l'espace. Donc voilà. J'ai vu aussi ça brièvement, qu'il y avait ce projet qui a été fait à Gand. C'est des espèces d'autoroutes à vélo. Ça te dit quelque chose si je te dis ça ? Des autoroutes uniquement sur 3 mètres de large à vélo, pour les vélos. Oui, en fait, on a déjà ça entre Leuven et Bruxelles, et maintenant, on aura ça aussi entre Anvers et Bruxelles. Ce sont des Fietsnelwerk, donc ce sont des autoroutes à vélo, on peut appeler ça une autoroute à vélo, c'est-à-dire que c'est vraiment pour que les gens qui se déplacent et qui font des longues distances. Donc, faire rouler sur une piste cyclable au bord d'une route, ben, bon, on doit ralentir parfois parce qu'il y a un cycliste devant. C'est pas des endroits pour se croiser où c'est pas facile, on sait pas dépasser facilement quelqu'un. On est ralenti parce qu'il y a souvent beaucoup de croisements, des passages piétons, donc on développe petit à petit des voiries pour vélo qui sont beaucoup plus larges et où il n'y a pas de croisement de feux rouges, donc c'est vraiment des autoroutes à vélo qui sont destinées aux gens qui font des longues distances, donc ils vont venir de beaucoup plus loin travailler à Anvers ou à Bruxelles. Donc ça, c'est clairement, ça existe aux Pays-Bas, parce qu'il faut augmenter le rayon d'action pour capter les gens, parce qu'on a le même problème partout, le domicile s'éloigne du lieu de travail, et donc on a, si on veut un peu abaisser la barrière de la distance, on doit faire des infrastructures pour les gens qui habitent plus loin, qui ont des plus longues distances, qui vont maintenant avoir de plus en plus des vélos électriques. Donc ils vont des vélos électriques qui vont à 25 à l'heure, mais maintenant de plus en plus on peut avoir des vélos électriques qui vont à 30, 35, 40 km heure. Donc il faut leur donner des... C'est plus un vélo ça. Et tant qu'on doit pédaler, ça reste un vélo. Maintenant, il y a des vélos qui avancent tout seuls. À ce moment-là, bon, c'est des scooters électriques si ça avance tout seul. Mais tant qu'il faut pédaler, ça reste un vélo. Donc nous, on continue à s'en préoccuper. Et les bienfaits pour la santé existent toujours. Parce que dès qu'on doit faire un effort physique, ça reste une activité qui est quand même bénéfique à la santé. Donc on continue. Et les pouvoirs publics ont intérêt, effectivement, à favoriser ces vélos-là par rapport aux vélos qui avancent, aux scooters qui avancent tout seuls, parce que le scooter qui avance tout seul, c'est bien pour le bruit, la pollution et tout, l'encombrement de l'espace, mais par contre, pour la santé de la personne qui est dessus, il y a quand même un petit manque. Donc tant mieux si les gens prennent des vélos électriques, même un peu plus rapides, mais il faut leur faire des infrastructures qui sont plus adaptées, on ne peut pas rouler. On a parfois des cheminements piétons, vélo-piéton, on mélange les piétons et les vélos, mais bon, quand vous êtes à 30-35 km/h sur un vélo, c'est quand même pas agréable pour le piéton. Donc il faut parfois penser à des aménagements qui sont plus spécifiques à certains vélos rapides. Mais sans évidemment mettre les piétons, enfin supprimer les infrastructures pour les piétons. On n'a jamais demandé effectivement que les ravels, par exemple, deviennent uniquement vélos, parce que ce serait dommage que les piétons, les cavaliers, les rollers, les autres ne s'y trouvent plus. Donc ici en Wallonie, on a le ravel, qui sont, on les appelle les autoroutes à vélo, parce que on n'a pas d'équivalent au concept flamand. Le ravel, c'est pas une autoroute à vélo, c'est un espace partagé, cyclopiétons et autres non motorisés. Donc ce ne sont pas des vraies autoroutes à vélo, même si en pratique, en semaine, on ne va pas trouver grand monde sur le ravel, en tout cas hors de la ville, et qu'on va pouvoir y rouler à 30 km/h à vélo sans gros soucis. Et tiens, dis-moi si je me trompe, parce que j'avais fait une petite recherche, mais je ne me souviens plus exactement des chiffres. C'est 65% des déplacements à Bruxelles sont inférieurs à 5 km. Est-ce que tu vois de quoi je parle ou bien non ? Oui, tout à fait. Non, c'est vrai que la moitié des déplacements sur une journée font moins... Enfin, même en Wallonie, c'est moins de 5 km. Mais combien de pourcents, combien de gens font moins de 5 km ? Mais donc, quand on dit les 50% des déplacements, c'est-à-dire que on peut faire plusieurs déplacements sur une journée. On peut conduire quelqu'un à l'école, on peut aller faire des courses, on peut aller à son travail. Donc, c'est plusieurs déplacements. Ouais. Et sur tous ces déplacements qu'on fait, même en Wallonie, la moitié font moins de 50%. Font moins de 5 km. Donc il y a un potentiel pour ces déplacements-là à vélo. Maintenant, c'est parfois des déplacements qui font partie d'une chaîne plus longue. On passe d'abord à l'école, puis on va travailler. Donc du coup, le déplacement de 5 km jusqu'à l'école, il est suivi d'un autre déplacement beaucoup plus long. Mais par contre, si on prend les déplacements vraiment purs en termes de distance, il reste quand même 25% des déplacements qui sont des simples allers-retours et qui font moins de 5 km. Et donc là, il y a quand même un créneau de 25% de déplacements pour le vélo. Un créneau potentiel, parce qu'on n'est pas... C'est de la théorie, hein. Donc si on pouvait tous prendre notre vélo et faire 5 km pour aller là où on veut aller, on pourrait effectivement avoir 25% des déplacements à vélo. Et Luc, entends bien ce que je veux dire, hein. C'est pour rigoler. Tu peux entendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas le vélo. Oui, tout à fait. Donc là, il y a tout à fait... On a des statistiques là-dessus. Donc il y a un tiers des gens, le vélo, ce sera jamais. Et donc on ne travaille pas sur ce tiers-là. Et... souvent, les gens imaginent que quand on parle de vélo, c'est comme si on allait mettre un pistolet sur la tente de l'automobiliste et le faire descendre et l'obliger à monter sur un vélo. Mais nulle part dans le monde, ça n'est comme ça. Même... peut faire du roller ou du skateboard. Tout à fait. Non, mais il y a parfois cette image qu'on va imposer le vélo, mais on n'impose rien. On n'impose pas le bus, on n'impose pas le vélo, ni le tram, ni la voiture, ni la marche à pied d'ailleurs. Donc il n'y a pas d'imposition et on sait qu'une partie des gens ne sont pas réceptifs au vélo, ne veulent pas en faire pour plein de raisons, ils n'aiment pas, ils ont peur, ils s'estiment pas en bonne condition physique. Par contre, il y a 60% des gens qui sont ouverts au vélo. Donc on travaille avec ces gens-là. Donc en Wallonie par exemple, on sait qu'il y a une personne sur deux possède un vélo. Donc si elle possède un vélo, c'est quand même qu'elle a un jour, elle en a un jour fait ou qu'elle aime bien ça, mais elle ne l'utilise pas. Ou très peu, donc ça, c'est 50% de gens, ils sortent une fois leur vélo par an et ils font une balade. Donc c'est déjà pas mal qu'on ait 50% des gens qui soient intéressés par ça. Et alors on en a aussi 25% qui font plus qu'une balade, c'est-à-dire qu'ils utilisent vraiment le vélo pour un déplacement utilitaire. Donc c'est pas mal, au moins une fois par an. Donc il y a un potentiel. C'est-à-dire un quart de la population est quand même ouvert à l'idée de prendre son vélo pour aller chez quelqu'un ou pour aller chercher ses croissants à la boulangerie. Donc il y a du potentiel à ce niveau-là. Donc quand on croise tous les facteurs de potentiel, ben, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire, on a quand même... par exemple, souvent on nous dit, oui, mais vous savez, les gens se déplacent en voiture et il n'y a que 1% des gens qui prennent leur vélo au quotidien en Wallonie. On ne va quand même pas dépenser autant d'argent pour 1% des gens. Mais si on fait un sondage... même si 75% des gens sont automobilistes quotidiens, ils ne sont que 50% à demander qu'on investisse dans la voiture. Et inversement, même s'il n'y a que 1% de cyclistes quotidiens en Wallonie, il y a quand même 25% des gens qui demandent qu'on investisse dans les infrastructures vélo. Donc on n'est pas dans un rapport de 75 à 1, on est dans un rapport de 50% des gens qui demandent qu'on investisse dans la voiture et 25% des gens qui demandent qu'on investisse dans les infrastructures cyclables. Mais curieusement, c'est quelque chose qui n'est pas perçu par le politique. Le politique ne voit que l'usage actuel, il ne voit pas la demande. Ces 25% de gens qui prennent leur vélo au moins une fois par an pour un déplacement utilitaire attendent qu'on leur donne, qu'on crée des conditions pour qu'ils le fassent plus souvent. Et c'est une demande latente qui est ignorée du politique. malheureusement, parce qu'elles s'expriment peu. Ces gens-là ne font pas de pétitions. Ils ne s'expriment pas, ils ne disent pas quand ils croisent leurs politiciens, leur élu local, dans une kermesse au boudin, ils ne pensent pas lui demander ah, « Tiens, vous ne feriez pas des pistes cyclables pour nous ?» Donc voilà, il y a une demande, mais elle s'exprime très peu. Il n'y a pas d'âge pour faire du vélo, parce qu'on me dit souvent « Oui, mais je suis trop vieux pour faire du vélo. » En fait, non, il n'y a pas d'âge. Quand on voit l'utilisation du vélo aux Pays-Bas, on a des seniors à vélo. Même si c'est vrai que le senior n'a même plus la même force physique et qu'il y a plus d'accidents, ils sont plus fragiles. Il y a des choses qui maintiennent les seniors sur un vélo. Maintenant, on a des assistances électriques et des vélos adaptés. Il y a des choses qui permettent d'en refaire, même quand on n'en a jamais fait. Et donc, on ne peut pas dire que c'est réservé, parce que souvent, on dit que le vélo, c'est pour les jeunes. Donc, c'est du jeunisme. Et donc, c'est un mot qui ne convient pas au vélo, même si c'est plus facile, effectivement, d'en faire quand on est jeune. Ça, c'est clair que quand on a une super condition physique et qu'on peut monter, descendre, c'est plus facile. Mais ce n'est pas quelque chose qui est réservé. On croise des seniors à vélo et pas des sportifs, pas des anciens sportifs reconvertis du dimanche. On croise parfois des gens qui ont toujours utilisé ce mode de déplacement. Et on peut s'y remettre même tard. Il y a des formations qui existent. Mes collègues de ProVélo donnent des formations ici pour remettre les seniors en selle. Et il y en a qui trouvent le plaisir à partir de 55 ans, à partir de 60 ans, au moins, même si ce n'est pas pour se déplacer, au moins de se remettre en selle et d'en profiter pour voyager un petit peu, faire des balades et prolonger sa période de vie en bonne santé, parce que l'avantage du vélo, c'est que non seulement il prévient un tas de maladies, mais qui permet de rester plus longtemps en bonne santé. Donc on ne va pas mourir beaucoup plus tard, mais en tout cas, on vivra plus vieux, plus heureux, plus longtemps. Ouais, moi, j'aime bien souvent dire que c'est plutôt la qualité plutôt que la quantité qui compte. Hein. Mais je pense à une image aussi, quand j'étais à Bruxelles avec mes petites filles, là, on est parti à vélo, je suis partie à vélo les conduire à l'école une fois, dis donc. Ben, je ne l'ai plus refait, hein, parce que ça faisait peur quand même. Donc j'imagine, et ça je suis presque sûre, c'est que si l'espace public se transforme pour que les cyclistes soient plus à l'aise, eh bien, il y aura beaucoup plus de gens qui prendront leur vélo pour circuler. Ça, c'est une certitude. Oui, tout à fait. C'est vraiment que dans la tête des décideurs politiques et des ingénieurs des routes, il y ait ce changement de culture. Il faut à la fois que l'ingénieur soit réceptif, parce que c'est lui qui va faire les plans, c'est l'administration qui fait les plans. C'est pas que le politique, mais en même temps, c'est le politique qui a les cordons de la bourse. C'est le politique qui dira oui, vous devez le faire aux fonctionnaires. Et c'est le politique qui mettra les moyens pour que ça se passe. Donc on travaille avec les deux. On travaille avec les fonctionnaires. Heureusement, il y a un changement de génération chez eux. Donc on a des ingénieurs des routes qui sont plus jeunes, qui sont plus réceptifs à ça. Et alors, maintenant, il faut qu'on travaille le politique pour que le politique considère que c'est une priorité, qu'il doit y avoir des pistes cyclables systématiquement quand on refait une voirie. Donc voilà, et qu'il faut prendre l'emprise nécessaire, il faut rajouter un petit peu d'argent, mais que c'est super important de le faire. Parce que si on ne le fait pas au début, après c'est quasiment impossible de recommencer une route et de refaire le nécessaire. Donc c'est vraiment penser vélo dès le départ, dès les premiers plans. Donc c'est pas un réflexe pour l'instant, mais on y travaille avec l'administration wallonne, le SPOI, Sienne-Amur, mais on y travaille aussi, l'administration bruxelloise y travaille aussi. Hein. Il y a d'ailleurs une avance de Bruxelles sur la Wallonie à ce niveau-là, c'est que maintenant il y a vraiment une cellule vélo dans l'administration bruxelloise. Et donc il y a un budget quand même de 11 millions d'euros pour la ville de Bruxelles, qui est quand même un gros budget. Et il y a des choses qui se font grâce à ce budget-là. Il y a encore des résistances à Bruxelles, c'est principalement des communes. Parce que certaines communes sont encore dans une politique de « on ne touche pas à la voiture ». Donc malheureusement, parce qu'on a encore 19 communes à Bruxelles, et il y a encore des communes qui ont cette politique malheureusement de freiner le développement du vélo, qui n'ont pas compris, qui sont restées coincées au XXe siècle, où il faut absolument prendre sa voiture pour tout, et les commerces vont mourir si on ne développe pas la voiture. En tout cas, les commerces ont du mal, ça c'est vrai, en Wallonie il y a pas mal de difficultés, mais dans une grande ville, le commerce ne meurt pas parce qu'on se déplace autrement. On le voit, bon, en France, on a visité Bordeaux, Nantes, Paris, Strasbourg. Dans des grandes villes, il y a un potentiel suffisant, les gens se déplacent autrement et on trouve des solutions pour le déplacement, des choses qui sont encombrantes. Maintenant, pour des petites villes, c'est très compliqué parce que le potentiel à vélo est beaucoup plus petit et que ce n'est pas suffisant pour faire vivre un commerce. Donc là, on a d'autres soucis. Donc on ne peut pas dire que dans des petites villes, il suffit de mettre des pistes cyclables et que les gens viendront désormais à vélo pour aller faire leurs courses à Andenne, à Jamblot, à Ciney. Par contre, pour Bruxelles, je pense qu'il y a des craintes qui sont d'un autre âge, en fait, sur le fait que voilà, la ville va mourir si on n'a pas la possibilité d'aller partout en voiture et de se garer devant la vitrine du commerçant. Moi, ce que je trouve fou, enfin voilà, maintenant, c'est clair, on est dans ce système-là, c'est que tout est basé uniquement sur la rentabilité, quoi. C'est toujours ça qui compte. C'est quand même dingue. C'est pas de se dire, les gens, ce sera plus convivial, il y a quelque chose qui va naître, on sait pas très bien quoi, mais c'est important que les gens se parlent, soient les uns. Tu vois ce que je veux dire? Tout est en termes de chiffres, quoi. C'est assez horrible, notre système. Ça, j'avais envie de dire, et puis j'avais aussi envie de dire, c'est génial en fait, au bout du bout, j'ai l'impression comme ça, en découvrant le GRAC, que ça veut dire que ce sont des gens qui font partie de ce mouvement, qui se battent aussi pour continuer à faire vivre le vélo, à le faire circuler, quoi. Oui, tout à fait. En fait, donc, le premier argument, c'est vrai que nous, on aimerait bien avoir des arguments de qualité de vie, mais ça ne porte pas. Donc, mais on s'est adapté à ce discours-là, donc nos arguments maintenant sont économiques. Donc voilà, on utilise des arguments économiques pour développer le vélo. À Copenhague, même à Copenhague, l'adjoint au maire nous a dit, écoutez, moi, quand je parle du vélo, c'est pour dire qu'un déplacement à vélo fait économiser 10 cents à la collectivité. Et qu'un déplacement en voiture coûte 15 cents parce que le déplacement en voiture va effectivement générer beaucoup plus de coûts pour la collectivité que d'avantages. Malheureusement, donc on est dans ce discours-là, mais bon, voilà, il faut s'adapter à la réalité. Nous, on le fait au GRAC. Et puis, bon, d'autre part, on reste... Les choses ne bougeront pas si le citoyen ne fait pas bouger les choses. Parce qu'il ne faut pas attendre que le politique bouge tout seul. Le politique est soumis à un tas d'intérêts, un tas de pressions. Et si le citoyen ne fait pas pression aussi, ce sont des intérêts privés qui passent. Donc ce sont les intérêts des commerçants, les intérêts des grands groupes, des constructeurs de voitures, des pétroliers. Et donc, il est super important qu'il y ait un lobby citoyen. Et donc, le GRAC, on est le lobby citoyen du vélo. Mais c'est vrai pour tout. Pas que pour le vélo, c'est vrai pour d'autres enjeux aussi. Et donc on dit parfois aux gens, mais écoutez, vous avez plus de pouvoir que vous n'imaginez. Si vous écrivez à votre mailleur, si vous écrivez à votre député, vous avez du poids. Autant qu'une entreprise qui va écrire aux députés. Donc. Et plus il y aura de citoyens qui le feront, plus les politiques seront interpellés par le citoyen, plus les choses pourront bouger dans le bon sens. Plus on pourra rééquilibrer en fait les lobbies. Entre l'intérêt collectif de se déplacer à vélo ou autrement, et l'intérêt privé de certains qui est qu'on doit vendre des voitures en Belgique, que ça fait de l'emploi, que ça rapporte des taxes et tout ça. Donc voilà. Luc, le mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de dire sur tout ça? Le slogan du GRAC, c'est que le vélo, c'est l'avenir. Et donc, ce n'est pas un mode de transport, c'est né au 19e siècle. Ça a connu son heure de gloire entre les deux guerres, avant l'arrivée massive de la voiture. Et donc, dans les années 70, c'est devenu un mode de transport has-been, donc un mode de transport du passé. C'était celui que maintenant la voiture allait de toute façon remplacer. Et on se rend compte maintenant que c'est une erreur, que la voiture, surtout en milieu urbain, n'est pas le mode de transport idéal du tout, que ça tue les villes, en fait, davantage que ça ne les fait vivre. Et que donc, en fait, des modes de transport comme le vélo sont vraiment l'avenir d'une mobilité individuelle. En milieu urbain, et même en périurbain, et même dans certains cas en milieu rural.